Ancêtres que j'emporte avec moi et qui répète. Et fier, car si je dois partir, c'est pour mieux revenir. De mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres, que j'emporte avec moi et qui répète. Me bats chaque jour pour gagner mon retour. La vie d'ici, c'est être aride, même si parfois la pluie inonde mes cils. Je m'accroche malgré toute cette absence, malgré vous. De mon village jusqu'à mes nuits, résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix de mes ancêtres.